Music it's my love. Music it's my love. Sans elle, je peux peut-être. Oh mon frère, j'ai besoin d'elle. My love. Music it's my love. Ouh oh, sans elle, ma vie n'est plus la même. Elle n'est plus belle. M'a quitté jusqu'au rap sale. Donner du courage, man. Les gens kiffent et ça fait plaisir. On continue le taf, taf. Ma musique fait trop mal. Tu danses même en cartable devant les keufs. Je suis invincible, ma musique tire des balles. Music, music, music, music, music.